Les fausses confidences par Jules Janin. Ceci est une histoire que racontait volontiers Madame du Hausset, la dame d'honneur de Madame de Pompadour. Madame la marquise était un peu malade et je lui tenais compagnie. Elle habitait dans les petits appartements creusés sous le trône même du grand roi, une chambre où elle faisait des nœuds en rêvant. Vous savez que dans cette haute fortune et dans cet enchantement, voisin des fables, Madame est triste. Elle se dédommage, quand elle est seule, de sa gaieté forcée en présence d'un maître inamusable qu'il faut amuser à tout prix. Moi qui l'aime et qui ne la quitte guère, je lui lisais un livre éloquent de l'abbé Prévost intitulé « Les amours du chevalier Desgrieux ». Le livre est charmant, comme un livre d'amour. Mais ce jour-là, Madame était difficile à distraire de ses ennuis, ce qui fit que tout d'abord elle n'écouta guère et que bientôt elle n'écouta plus. « Lis toujours !» me disait-elle d'une voix attristée, et ses beaux yeux errants, çà et là, à travers tant de magnificence, avaient fini par se plonger dans la longue allée du tapis vert, au-delà de cette eau plate et sombre qui sert de miroir au jardin. « Madame n'écoute plus, lui dis-je, et cette lecture la fatigue ?»« Non, fit-elle, continue. » »« Et cependant, ma chère du Hausset, je pensais que nous étions bien bonnes, toi et moi, de nous affliger ainsi sur le malheur de ce petit Desgrieux et de cette petite Manon qui, certes, ne valent pas la peine qu'on s'en occupe. Enfin, puisque monsieur le lieutenant de police entraîne cette fillette et son chevalier dans l'autre monde, il sait probablement ce qu'il fait. Ainsi, crois-moi, laissons-les partir. S'ils s'aiment encore, eh bien, je voudrais être à leur place. Elle est mal vêtue, elle est exilée, elle est malheureuse, mais elle est libre, elle est aimée. Aimée. Et tu veux que je la plaigne? Et j'ai vu le moment où tu pleurais. Tiens, je suis folle. Allons, continue. Au fait, cela m'ennuie et me fatigue un peu moins d'écouter que de parler. » À ces mots, je reprenais le livre et j'allais poursuivre le récit commencé quand l'huissier de service annonça de son humble voix la maréchale de Mirepoix et M. le comte de Saint-Germain. Madame, à ces noms, fit un signe. Elle se leva un peu sur sa chaise longue, j'ajoutai un coussin, et voilà Madame de Mirepoix, accorte et vive, comme on l'est à 20 ans, accourant avec cette vivacité charmante qui est une de ses grâces. Elle était en demi-panier, à peine un œil de poudre sur ses beaux cheveux bruns, dans son chapeau de paille passé à son bras, elle apportait de belles cerises, moins fraîches que son visage, qu'elle avait cueillies en traversant le gentil verger de Trianon. « Ah » fit-elle en se jetant à genoux près de Madame, « où donc en sommes-nous aujourd'hui? Bon Dieu, quelle tristesse! Et comme la voit la fête, qu'elle est pâle, attristée et malheureuse, et qu'elle est à plaindre. Bon, bon, ne répondez pas, marquise, on sait tout. Il aura grondé ce matin. Ou plutôt, disons vrai, quelque nouvelle amourette. Allons, calmons-nous, jalouse. Il vous reviendra, si vite et si repentant. Après tout, le maître est le maître, et nous serons toujours la maîtresse heureuse, enviée et charmante. Ah, fille la poltronne! Est-ce que rien saurait prévaloir contre ces deux yeux-là? Ne craignez rien. Les caprices de Louis passent comme une matinée de printemps. C'est vous seul qu'il aime. Il aime en vous l'esprit, les belles grâces. Il s'enchante à votre sourire et à votre beauté de Diane chasseresse. Courage, et croquez-moi ces belles cerises, humides encore de la rosée. » À ces mots, elle tendait son chapeau à Madame, qui se prit à sourire, en plongeant ses belles mains dans ce panier enrubanné. « Bon cela, » dit Madame en baisant la maréchale au front. « Vous avez raison, mignonne. Croquons des cerises et laissons le chagrin. Il n'est bon qu'à nous vieillir. » Elle sourit en soupirant et d'un air distrait, elle mangeait quelques cerises. La maréchale, à l'œil éveillé et dans l'attitude exquise d'une admiration profonde pour la beauté de Madame, recevait les noyaux dans sa main. Cependant, Monsieur le comte de Saint-Germain était resté sur le seuil de la porte afin de ne pas troubler l'épanchement des deux amis. Il regardait, avec la réserve d'un courtisan des petits appartements, ces deux femmes d'une beauté si différente, Diane et Flore, la rêverie et la gaieté, la reine et la bergère. Elles s'aimaient autant, pour le moins, que deux rivales, très belles l'une et l'autre, peuvent s'aimer à la cour. Ce fameux comte de Saint-Germain, dont on a dit tant de fables, était le bienvenu chez Madame la Marquise et chez le roi lui-même. Il était beau, bien fait de sa personne, et d'un âge à rassurer les jaloux sans trop effaroucher les coquettes. Il était beau 10 heures, doué de toutes les façons élégantes, recherché dans ses habits, dans ses odeurs, dans son linge, dans ses bijoux, pétillant d'esprit quand c'était son tour à causer, écoutant très bien, tout bourré qu'il était d'anecdotes les plus incroyables, qu'il racontait de l'air le plus naturel. Ajoutez qu'il avait le grand art de s'entourer d'un prestige étrange, en laissant croire qu'il était, pour le moins, aussi vieux à lui seul que la maison de Bourbon tout ensemble. À l'en croire, il avait été très lié avec le feu roi Pharamond. Il avait tenu, plus d'une fois, en son petit castel, le prince Henri de Béarn, sur les genoux que voilà. Faut-il vous dire aussi que le grand succès de M. de Saint-Germain, et sa popularité sans égale, tenaient beaucoup à la richesse incroyable de ses dentelles, à cette jactance aventureuse d'une gaieté irrésistible, à la magnificence royale des diamants dont il était couvert. Ce jour-là même, il en avait sur sa personne pour des sommes fabuleuses. Ses jarretières seules valaient plus de 100 000 écus. Dans une boîte d'or que surmonte un émail de petits taux, il avait renfermé en guise de tabac d'Espagne une poignée de topazes, de rubis et d'émeraudes qui n'auraient pas déparé la couronne de France. Les dames, folles de tout ce qui brille, aimaient à voir resplendir sous leurs yeux, dans leurs mains, toutes ces belles choses. À toutes ces causes réunies, le désœuvrement de la favorite, l'ennui de la journée, l'absence du maître et l'oisiveté du lieu, le comte de Saint-Germain fut le bienvenu chez Madame de Pompadour. On causa quelque temps au hasard, véritable causerie entre deux rivales, très occupées au fond de leur âme, des plus grands intérêts de leur fortune et de leur beauté, habiles à dissimuler la gravité de la situation sous les grâces légères du discours. On en vint au livre que nous lisions tantôt quand Madame la Maréchale était entrée, et la marquise elle-même, non pas sans une certaine hésitation, finit par convenir que c'était une histoire attachante que les honnêtes femmes pouvaient lire en dépit de l'étrangeté du sujet. « Je suis de votre avis, madame, et cette petite Manon me paraît avenante, » reprit Monsieur de Saint-Germain. Son camarade est le plus amoureux du monde, et l'abbé Prévost accomplissait un grand tour de force en rendant supportable, pour les dames les plus réservées, au milieu de la grâce et des élégances de Versailles, les amours d'un escroc et d'une fille. Oui, la tâche était difficile, et sans nul doute à cette histoire de Manon Lescaut, j'aurais été pris, tout le premier, sans une aventure étrangère qui m'a mis en garde, ô pauvre dupe que j'étais, contre les inventions les plus autorisées de messieurs les romanciers et de messieurs les poètes, ces sublimes menteurs. À ce mot, aventure, aussitôt vous eussiez vu ces deux ennuyés dresser l'oreille, à la façon du cheval de guerre, au premier bruit du clairon. Une aventure, oui, dame, mon cher comte, s'écria madame, avec un geste d'une domination irrésistible. Prenez garde à vos rêveries. Je suis bien nerveuse aujourd'hui. Je suis peu crédule, et votre histoire, n'eût-elle que 200 ans de date, vous ferez bien de la garder pour un autre jour. Oui, oui, s'écria madame de Mirepoix, en portant à son cou le bras de madame. « Vous avez raison, ma chère. Ce vieux conte séculaire, avec ses histoires de l'autre monde, finira par nous donner des attaques de nerfs. Avec cet homme-là, on ne sait plus quel âge on peut avoir. Il recule à mesure que nous avançons dans la vie. Il gagne un jour quand nous perdons une journée. Et voyez-le, souriant, calme, imperturbable, odieux, à force de sang-froid. Laissez donc là vos contes qui sentent le moisi, mon bon seigneur. Et si vous voulez nous dire à toute force une histoire, eh bien, racontez-nous l'anecdote d'après-demain, mais pas plus tard. » Monsieur de Saint-Germain, qui avait su mettre, et même un peu plus, Madame la Maréchale de Mirepoix dans les intérêts de sa renommée, et partant de sa fortune, supporta philosophiquement cette boutade, et s'appuyant sur le bord de la fenêtre où grimpait un rosier du Bengale, chargé de boutons à peine ouverts. « Hélas, madame, je suis bien à plaindre avec vous. Si je parle d'hier, je ne suis plus qu'un homme de l'autre monde. Si je vous raconte une histoire de demain, je suis un sorcier. Bon, tout au plus, à jeter dans un grand feu. Mieux vaut me taire, et d'autant que mon récit, à 6 mois de date, est d'un médiocre intérêt. » C'est à savoir, reprit madame, que vous mourrez d'envie de raconter votre histoire. Et dites-la une fois pour toutes. Et si nous sommes contentes de vous, nous vous permettrons de prendre une belle cerise dans le joli panier que voilà. Le comte alors, sans se faire prier davantage, « Madame a connu, dit-il, le marquis de Saint-Gilles. Je l'ai connu. C'était un grand d'Espagne, assez beau pour un Espagnol. Deux yeux noirs qui brillaient comme des charbons ardents. Il a été 8 jours à la mode ici. Le roi ne pouvait s'en passer. Je le vois encore avec son froufrou de guitare et son roucoulement de romances andalouses. Au fait, qu'est-ce que cela prouve que je l'ai ou non connu? Et M. le comte de Saint-Germain aurait-il la prétention de me donner un rôle en son récit? Nous vous avertissons, monsieur le tricentenaire, reprit la maréchale, que nous ne voulons pas être de cette histoire-là. Comme aussi, telle n'est pas mon intention, madame la maréchale, reprit le comte de Saint-Germain. Mais j'ai fait depuis longtemps cette remarque. Pour peu que l'on ait connu, ou seulement entrevu, de l'histoire ou du roman que l'on raconte, un des héros, aussitôt le récit doublera de valeur. Je suis donc très content que votre Altesse ait souvenance du marquis de Saint-Gilles, ambassadeur du roi d'Espagne à La Haye, avec cela, grande Espagne de la première classe, et chevalier de la Toison d'Or, enfin tout à fait incapable absolument de rien inventer. Non, certes, reprit la marquise, et pas même ses chansons. J'étais donc, madame, à La Haye, en simple curieux, et je dînais en petit comité chez monsieur le marquis de Saint-Gilles. Il était, ce soir-là, aussi préoccupé que s'il se fût agi de la conquête du Nouveau Monde. Il soupirait. J'ai vu le moment où son excellence était plus pâle encore que de coutume. « Ici, monsieur, je vous arrête, » s'écria le maréchal. « Si vous faites jamais pâlir ce visage-là, vous aurez fait une chose aussi difficile que d'ôter sa tache au diamant du roi, comme vous avez fait l'autre jour. » « Remarquez bien, madame la maréchale, » reprit le comte de Saint-Germain, « que je suis loin de parler des roses et des lys de cette joue extramoricode. Et Dieu, vous croyez toujours que l'on jette des pierres dans votre jardin. Cependant, rien n'est plus vrai. Monsieur l'ambassadeur était fort préoccupé le soir dont je parle. Après le dîner, nous nous promenions dans le très petit salon d'une des plus grandes maisons de La Haye, lorsque monseigneur, me prenant par le bras, « Mon cher comte, me dit-il, vous voyez un malheureux ambassadeur qui se trouve en cruel embarras. J'ai connu autrefois le marquis de Moncade, un des hommes les plus riches et les plus considérés de toutes les Espagnes, l'ami du roi et, ce qui vaut mieux, l'ami de la reine, le propre neveu du grand inquisiteur de Séville, un de ces hommes qu'on est heureux et fier d'obliger. Or, justement, je me trouve dans l'impossibilité de rendre à monsieur de Moncade le service le plus signalé que pût demander un personnage de sa sorte à un homme tel que moi. » Ici, M. de Saint-Germain s'arrêta, et se tournant vers la maréchale, qui écoutait, bouche béante, la main tendue, et ses précieux noyaux de cerise dans le creux de cette main, faite pour tenir un sceptre. « Que ne m'interrompez-vous ? » lui dit-il, « madame la maréchale. Voici déjà 5 minutes que je parle, et vous ne dites mot. » « Si l'on ne vous dit pas encore halte-là, reprit la dame, il faut vraiment que je ne vous écoute guère. Que vous parliez ou non, c'est tout un. Parlez, ne parlez pas, ça vous regarde. « Enfin, soyez sûr que l'on vous coupera la parole aussitôt que vous nous ennuierez. » Monsieur de Saint-Germain continua. Quand monsieur le marquis de Saint-Gilles lui soupirait tout à son bel aise et fait 2 ou 3 tours, « Jugez vous-même, s'écria-t-il, si je dois éprouver un grand ennui. J'ai reçu depuis 8 jours, par un courrier à sa livrée, une lettre du marquis de Moncade, et dans cette lettre, écrite à coup sûr de sa main, ce noble seigneur me raconte, en des termes à fendre un cœur de rocher, qu'il est le père d'un fils unique, le seul espoir de son nom et de l'avenir de sa maison. Ce jeune homme est un jeune homme accompli, et si j'en crois son signalement, peu de jeunes gens peuvent lui être comparés. Il vient d'avoir 15 ans, son œil est bleu, sa tête est fine, et plus jeune même que son âge. Par un caprice qui lui va bien, il porte ses propres cheveux, d'un blond cendré, beauté rare pour un espagnol, et qui boucle naturellement. Il a la main blanche et vive d'une andalouse, et le bras vigoureux d'un toréador. Que te dirais-je ? De grand à grand, on se tutoie. Il est bien pris dans sa taille élégante, il est bon musicien et bon poète. Dans l'ensemble de ses études et de ses travaux, on reconnaîtrait plusieurs parties de l'homme d'État et du capitaine. À 10 ans, il était déjà colonel du régiment de la reine. Il a beaucoup d'esprit, d'éloquence, avec beaucoup de gaieté, d'entrain, de courage et de naturel. Toutes les vertus et plusieurs des vices indispensables au gentilhomme, actif, bon vivant, beau joueur, tenant convenablement une épée et généreux comme un roi. Bref, un vrai miracle. Eh bien, l'amour a démenti toutes ces promesses de la nature et déjoué les meilleures combinaisons de la fortune. Hélas, ce malheureux jeune homme, héritier d'un si grand nom et réservé à ses illustres destinées, s'est amouraché follement d'une jeune personne qu'il a rencontrée en bonne bourgeoisie au milieu de Paris. Voilà la chose. En même temps, ajoutait notre ambassadeur, ce père, au désespoir, me fait le signalement de la jeune personne enlevée, enlevante, et la dame au moins vaut le monsieur. Imagine le plus beau visage, On dirait une princesse de sang royal déguisée en marquise. » Ici, madame a souri de son plus charmant sourire. Ainsi faite, ces deux créatures du printemps et du bon Dieu naturellement s'aiment. Elle est lui de toute leur force. Jeunes tous deux, beaux tous deux, à eux deux, il ne faut pas 32 ans. Mais voilà le malheur. Le comte de Montcade, épris de cette belle flamme, a tout sacrifié à cette passion insensée. Il a renoncé à toutes les gloires de l'épée. Il a déchiré ses titres de noblesse. Il a brisé son écusson. Il a vendu meubles, diamants, tableaux. Il a mangé ses terres. Il a mis en gage même sa toison d'or que le duc Medina Celi avait portée. Ô ciel! Il a renoncé au pardon, à la générosité, aux bienfaits de son père. Enfin, pour mettre un comble inouï à ses incroyables folies, et plutôt que de renoncer aux fantaisies qu'il pouvait accomplir, ce fils ingrat, ce gentilhomme, oublieux de tous ses devoirs, a disparu avec son infante, qu'il doit épouser si le mariage n'est déjà fait. Il en a signé de son sang la promesse formelle. Si bien, ajoutait ce marquis désespéré, que me voilà privé de mon cher fils. Hélas, oui, privé à tout jamais. Où donc retrouver l'héritier de ma grandesse, et dans quelle misère il est tombé, je n'en sais rien. En vain, j'ai mis les plus adroits espions à ses trousses. Il est habile à tel point, je devrais dire, il est si complètement amoureux, qu'on a fini par perdre absolument ses traces. Tout ce que je sais, et j'en suis sûr, c'est qu'il n'est pas en France. Il n'est pas en Angleterre, et je le crois en Hollande. Ainsi, je te prie et supplie, mon cher cousin, car les grands d'Espagne sont parents, accepte le soin paternel de faire chercher dans toute la Hollande et par tous les moyens mon enfant prodigue et sa maîtresse. Allons, songe à ma peine et fais cela toi-même avec le concours de tous les agents de l'ambassade. Il ne faut épargner ni le soin ni la dépense et quand tu les auras rejoints, elle et lui, fais en sorte, par tous les bons procédés qu'il te sera possible d'imaginer, qu'ils reviennent à des sentiments meilleurs. Sois indulgent et facile à l'héritier de ma jeunesse. Représente à cet enfant prodigue et charmant le désespoir de son père, la douleur de sa famille, le chagrin de son oncle, dont la rancune est redoutable. Enfin, s'il le faut, parle au nom du roi. À tout prix, m'entends-tu, sauve-le de lui-même et de sa funeste passion. Quant à la jeune fille, elle est, dit-on, si jolie, et je sais de bonne part, que nous ne devons pas la traiter comme une perdue. Elle appartient à des gens honorables. Elle est honnête et chaste, elle l'était, du moins, jusqu'au jour malheureux, pour elle et pour moi, où elle aima mon fils. Il faut la sauver, pour que l'œuvre de mon fils délivré soit complète et sans reproche. Ainsi, qu'elle renonce à devenir la comtesse de Montcade, qu'elle remette entre tes mains la promesse imprudente que lui a faite son amant de la conduire à l'hôtel. Elle peut être assurée de toutes nos bonnes grâces. Dieu merci, l'Espagne et la France ne manquent pas de bons maris pour une fille de son état. Et pour peu que tu la trouves digne de notre intérêt et de notre estime, je t'autorise à lui compter 10 000 louis en avance sur sa dot, qui doit lui suffire à épouser un chevalier de Calatrava. Ceci dit, mon cher marquis, je n'ai plus d'espoir qu'en ta prudence, en ta bonté. Prends en pitié la prière d'un père au désespoir. Telle était la lettre que le marquis de Montcade écrivait au marquis de Saint-Gilles et que le marquis de Saint-Gilles me lisait en s'abandonnant aux plus amères réflexions. « Mais, mesdames, reprit le comte de Saint-Germain, après une pause d'un instant, je m'aperçois que mon vieux récit ne vous touche guère, et je pense qu'il serait bon d'en remettre la fin aux premières vapeurs. » À ces mots, madame fit un soubresaut. « Comte, dit-elle, je ne sais personne qui soit aussi taquin que vous. Vous voyez bien qu'on vous écoute, et beaucoup mieux que vous ne le méritez. Finissez donc, ou bien pas de cerise. » « Madame, reprit le comte, s'il vous plaisait de m'en octroyer une seule en avancement d'hoirie, il est sûr et certain que mon récit en irait mieux. » Madame, sans répondre, prit une cerise et la posa de sa main blanche sur les lèvres du conteur. « C'est 100 fois plus que ne vaut son histoire, » ajouta madame de Mirepoix. Le comte alors reprit son discours. « Quand je vis ce pauvre ambassadeur en si piteux état, vous comprenez bien, madame, que j'eus grande envie au fond de l'âme de l'aider et de le servir. » Cependant, monsieur le marquis, comment retrouver ces deux beaux fugitifs? Hélas, reprit le marquis, je les fais chercher partout, dans Amsterdam, dans Rotterdam, ici même. Il n'est pas un recoin de la Hollande où je n'ai envoyé. Point de nouvelles. J'en perdrai la tête. Que vont penser Montcade et la reine et le roi? Je suis perdu. Moi, alors, voyant tout ce désespoir et touché de cette peine, « Monseigneur, repris-je, en me levant dans un moment d'enthousiasme et d'inspiration, pour peu que nos deux amants soient à La Haye, ou même à 20 lieues d'ici, je vous réponds que dans 24 heures je les aurai découverts et ramenés dans la bonne voie. Ayons donc bon courage, et s'ils échappent à mon zèle, vous pouvez répondre, à coup sûr, les deux amoureux que vous cherchez ne sont pas chez les Hollandais. Faites cela, vous me rendrez la vie et le repos, s'écria le marquis. J'ai toujours entendu dire que vous étiez un peu sorcier, monsieur de Saint-Germain. Mais si vous venez à bout de ce problème, eh bien, vous n'aurez pas de plus chaud partisan que moi. Notre conversation se fut prolongée assez longtemps, mais le salon se remplissait de toutes sortes de gens qui venaient pour saluer son excellence, et je sortis de ce logis, raisonnablement préoccupé, j'en conviens, de la promesse que j'avais faite et des insurmontables difficultés que je m'étais chargé d'aplanir. En ce temps-là, le théâtre de La Haye était un vrai théâtre. Il possédait une cantatrice, une merveille qui se nommait la Gabrielli. Vous ne l'avez jamais entendue ? Ainsi, vous ne saurez jamais la toute-puissance de la musique italienne, confiée à cette voix sans égale. La beauté de la dame ne gâtait en rien son talent. Le vif éclat de ses yeux s'accordait parfaitement avec l'inspiration dont son âme était remplie. Elle chantait comme on chante dans le ciel, ou bien comme on chante ici, quand le théâtre est dressé dans le cabinet des médailles, et que Sa Majesté daigne applaudir l'accent, la voix, la taille, les bras divins de la prima donna. Ici encore un sourire de Madame de Pompadour. « Flatteur, » dit-elle au comte, « mais vous méritez bien la seconde cerise. » Elle se contenta cette fois de lui présenter le chapeau. Le comte prit la cerise. « Elle ne vaut pas l'autre, » dit-il. « Bon, » dit la maréchale de Mirepoix, « vous allez voir maintenant qu'il faudra donner à manger à monsieur. » Le comte s'inclina. Cette Gabrielli, reprit-il, tenait sous le charme et sous l'enchantement de la plus vive admiration tout ce parterre de marchands et de marins. Les femmes pleuraient, les hommes se taisaient. On eût dit que la salle entière avait un seul cœur, un seul regard, pour mieux comprendre et pour mieux voir le miracle. Et moi-même, incertain de ce que j'avais à faire, et cherchant encore mon plan de bataille, je me rendis au théâtre. On jouait ce même soir La Serva Padrona, cette merveille, où brillait naguère Mademoiselle Véronèse, un beau nom en peinture, en chanson, en opéra comique. La Gabrielli se montrait si vivante et si charmante dans les fanfreluches des herbinettes que, sans songer aux soucis de leur présente, je m'abandonnai à l'ivresse générale, applaudissant comme un écolier. Bonté divine, et jugée de ma stupeur, voici tout à coup, par grand hasard, au bout de ma lorgnette et dans le recoin d'une loge obscure, que je découvre au miracle, deux beaux jeunes gens, la fille et le garçon en petit habit, jolis comme deux amours, qui chuchotaient, qui se regardaient, et qui complotaient à voix basse, et serraient moi contre toi, toi contre moi, plus loin du théâtre et de tout ce qui s'y chantait en ce moment, que si la Gabrielle eût été la Guimard, et que Paisiello se fût appelé M. Rameau. Vous jugez de ma surprise et de ma joie à ce spectacle imprévu. Qui donc étaient ces deux amoureux, si jolis, si mignons, si contents, oubliant à se contempler l'un l'autre, de se mêler à l'enthousiasme universel. La jeune dame avait beau se cacher sous de longues coiffes, le jeune monsieur voilait en vain d'une main prudente la moitié de son visage. Oh, les amoureux, les oublieux, les imprudents! Je l'ai reconnu du premier coup d'œil. Voilà qui va bien. Voilà qui me charme et me contente. Il n'y avait que ces deux amoureux. Je ne dis pas dans le monde. Ici, le comte salua madame, qui lui rendit son salut. Mais dans toute la Hollande, pour se parler de cette voix basse et charmante, avec accompagnement de sourires et d'éclairs dans toute cette frénésie que soulève, autour de soi, la belle voix d'une jeune femme inspirée. En ce moment, toute mon attention se porta dans la loge mystérieuse où cette fillette et ce garçon étaient blottis, comme deux tourtereaux dans leur duvet. Enfin, je m'inquiétais de ces deux amoureux à ce point que la Gabrielli fut, m'a-t-on dit, d'assez maussa d'humeur pendant la dernière moitié du second acte. Elle était un peu semblable à toutes les femmes qui ne comprennent pas qu'un homme, quel qu'il soit, s'amuse à regarder autre part que de leur côté. « Vous êtes un peu fat, monsieur le comte, » reprit la maréchale de Mirepoix. « Je ne le suis plus, madame, » répondit monsieur de Saint-Germain, « depuis que j'ai l'honneur d'approcher du soleil levant. On est trop humilié par ici pour être un fat. »« Allons, » dit madame, « on sait bien que vous voulez une troisième cerise. » « Eh bien, prenez-la vous-même, » dit madame, oubliant de présenter au comte le chapeau qui les contenait. « J'y perdrai trop. » s'écria M. de Saint-Germain en retirant sa main, comme s'il eût été piqué d'un serpent. « La première cerise m'a dégoûté de toutes les autres. »« Que ceci vous apprenne à n'être pas gourmand, » reprit Madame de Pompadour. « Et cependant, Oni, soit qui s'arrête en son chemin. Continuez !» Donc la pièce était à peine achevée, et la Gabrielli apparaissait au milieu des fleurs. C'est toujours M. de Saint-Germain qui parle. Je quittai ma loge en toute hâte et bien caché dans mon manteau. Je me mis à suivre, en rasant la muraille complaisante, le couple fugitif. Le vent était vif. Le ciel pluvieux tombait, goutte à goutte. Il n'y avait pas une étoile au firmament, à peine une lanterne au coin de chaque rue. Ah, le froid de la bise, et quel chemin! Les voitures fuyaient au loin. Les falots des bourgeois attardés disparaissaient, peu à peu, comme autant d'étoiles à pied. J'en ai le frisson à me rappeler ce froid hollandais. Mais quoi? Nos deux jeunes gens auraient été bien en peine de dire s'il faisait du vent ou s'il tombait de la pluie. Ils allaient, se tenant par la main, courant, s'arrêtant, se regardant, causant tout bas, pour se dire, en mille accents joyeux, toujours les mêmes choses, perdant et retrouvant leur chemin sans le demander. Enfin, ils arrivent dans une assez mauvaise rue, à l'enseigne de l'amiral Trump, le même amiral dont Rembrandt a fait le portrait, lequel portrait appartient à son Altesse royale, Monseigneur le duc d'Orléans. Il eût fallu les voir, ces oiseaux bleus, quand ils eurent trouvé leur porte en courant, du pas léger du printemps. Lui, gai comme avril, elle, active et contente comme le mois de mai. « Allez, allez !» leur disais-je tout bas. « Vous voilà pris, mes pauvres oiseaux bleus. »« Tenez, madame, en les voyant si contents, si complètement heureux, l'envie me prit de leur dire « Enfant, voilà ma bourse. Aimez-vous. Allez-vous-en, bien loin d'ici. »« Sancte Germane, ora pro nobis !» s'écria madame la maréchale. « Amen !» répéta madame, en chantant d'un ton quelque peu nasillard pour imiter le cardinal de Rouen, le premier aumônier. « Mais, mesdames, reprit le comte de Saint-Germain, j'ai appris depuis 500 ou 600 ans déjà à me méfier de mon premier mouvement. C'est une science qui convient aux hommes sensés, et que les femmes ont bien tort de ne pas apprendre. Elles les défendraient de bien de sottises. Sauver ces deux amoureux, à quoi bon? C'était les abandonner à la ruine, à l'isolement, au remords, au regret, à toutes les déceptions de l'amour, les séparer et les ramener, quand leur tendresse est au comble, dans la voie droiturière, il n'y avait pas de plus grand service à leur rendre. Oui, vraiment, je les sauve et je les arrête, au moment où ils ne peuvent pas s'aimer davantage. Quelle nourrice eût rêvé une chance plus heureuse pour son cher nourrisson. Voilà quelles furent mes pensées pendant que je revenais chez M. l'ambassadeur d'Espagne à 7 heures avancée. On me dit que Monseigneur était couché, et je crois qu'il dormait déjà, oublieux des saints devoirs de l'amitié. Au premier mot que je fis de lui parler, ses gens me refusent sa porte. J'insiste, on le réveille, et tout plongé qu'il est encore dans les chastes délices du premier sommeil, je lui raconte ma découverte. Il écoute, il regarde, il se récrie, il se croit le jouet d'un songe. Est-ce possible? Ô ciel! Ô miracle! Est-ce bien vrai? Nous les tenons, nous les tenons! Ça, ma garde, mes flambeaux, mon carrosse, ma livrée, que tout le monde soit sur pied! On obéit, on accourt, Monseigneur passe en riant son habit de gala et se couvre de tous ses ordres. Au même instant, les portes de l'hôtel s'ouvrent à 2 battants, nous montons en carrosse et nous voilà, à 2 heures du matin, au grand galop, dans cette ville honnête et si calme, car rien dérange et réveille. Au bruit des roues, à l'éclat des torches, au bruissement de ce cortège inaccoutumé, les bourgeois, réveillés en sursaut, crurent un instant que la mer rompait ses digues et que la Hollande en aurait pour 6 pieds d'eau salée au-dessus du niveau de l'océan. Avec le bruit de la foudre et la vivacité de l'éclair, nous arrivâmes au seuil de l'amiral Trump, et nous nous arrêtâmes d'une façon solennelle à la porte de cette hôtellerie, endormie et ronflante, où depuis le commencement de la haie et du monde, on n'avait jamais vu venir si brillante compagnie, à pareille heure, en si magnifique appareil. À peine arrêtée sous l'enseigne, elle criait, l'enseigne, et l'amiral Trump, réveillé en sursaut, nous jetait des regards irrités. Notre éduc et nos valets de pied se mettent à frapper de toute leur force. « Oh là, et la maison !» Bref, ils appelaient de cette façon impérieuse, qui porte la terreur dans l'âme de toutes les maisons coupables, et plus encore des maisons innocentes. « Qui va là ?» dit enfin l'hôtelier, prudemment retranché derrière sa porte fermée au verrou. « Ouvrez !» répondent les voix furieuses. « Ouvrez à Monseigneur l'ambassadeur !» Aussitôt la porte roule en gémissant sur ses gonds, mal graissés, et l'hôte, son bonnet à la main, l'épouvante sur le visage. « Que peut un pauvre air comme moi pour le service de monseigneur ?» L'ambassadeur était descendu de voiture. Les hommes de sa suite restaient à cheval. Six éducs l'entouraient, armés de leurs cannes à pommes d'argent. « Nous savons, monsieur, dit son Excellence l'aubergiste stupéfait, que vous avez donné asile au fils de monseigneur le marquis de Montcade et à sa maîtresse, et je viens, au nom du roi mon maître, tirer de vos mains et de votre hôtellerie ce jeune seigneur. Vous êtes véritablement un grand coupable, mais je veux bien vous dire que si vous obéissez, vous éviterez le châtiment qui vous revient. » L'hôtelier, de plus en plus troublé, atteste à deux mains, ses grands dieux, qu'il est innocent du crime dont on l'accuse, que sa maison est destinée aux pauvres gens et aux plus chétifs voyageurs. En même temps, il apporte son livre ouvert et tout couvert de noms inconnus. Parmi ces noms, nous remarquons M. et Mme Benoît, venant de Paris. Benoît de qui? Benoît de quoi? Ces deux voyageurs habitaient depuis quelques jours une modeste chambre au troisième étage et du côté le moins fastueux de la maison. À ce nom de Benoît, M. l'ambassadeur se met à sourire. « Ah, mes gaillards, disait-il, M. Benoît, Madame Benoît, je vous tiens !» En même temps, il fait signe qu'on le conduise, il marche et nous le suivons. Deux torches éclairaient cet escalier silencieux. Nous montons sans bruit, nous montons toujours, enfin, tout au bout d'un corridor immense à l'angle où tout finit, l'hôtelier nous désigne une porte basse et qui disparaît dans la muraille complice du fruit défendu. Chut, chut, nos deux amoureux étaient là. Ah, mesdames, quel silence enchanté dans cette chambre, et d'autant plus que dans les chambres voisines, tout ronflait abominablement. On eût dit d'un nid d'oiseaux surpris par l'orage. Hélas, maudit que je suis, pour t'avoir dénoncé à ces fils de l'Inquisition, pauvre et mignonne chambrette. Enfouie et cachée, mystérieuse amoureuse, l'ambassadeur lui-même hésitait à surprendre ainsi ces deux pauvres enfants dans le piège où ils étaient tombés. L'hôtelier qui avait servi sous le roi Guillaume nous regardait d'un air attendri. À la fin, M. de Saint-Gilles, honteux de sa propre émotion, frappe à la porte et d'un ton moins sévère qu'il n'eût voulu. « Ouvrez, M. Benoît, ouvrez-nous. Nous sommes des amis qui vous cherchons. Depuis 8 jours, des amis, entendez-vous, et des serviteurs de la jolie Madame Benoît. » Quel homme câlin, ce monsieur l'ambassadeur. Cependant, rien ne venait de cette chambre obscure. Pas de réponse et pas un bruit. Pourtant, nous comprenions, tant nous étions éveillés, le drame intime qui se passait dans ce taudis charmant. Certes, les pauvres enfants s'étaient réveillés en sursaut. Ils cherchaient à se reconnaître en cette nuit profonde, à s'entendre au milieu de ce grand silence. Et qu'allons-nous faire? Et que vas-tu devenir? Ouvrez, monsieur Benoît, ouvrez, madame Benoît, évitons le scandale et le bruit, croyez-moi, disait la même voix qui commençait à s'enfler. Mais rien. Le tombeau n'est pas plus sombre et plus sourd. À la fin, cependant, la porte, à peine touchée et frémissante au contact d'une invisible main, s'ouvre, ou plutôt s'entr'ouvre. Alors nous nous précipitons, l'ambassadeur et moi, et nous voyons, bonté du ciel, un spectacle à fendre le cœur. Le jeune homme, à demi nu, tirait hardiment son épée. Il avait la flamme à son regard, le dédain à ses lèvres. Ses beaux cheveux blonds étaient jetés en arrière, image vivante du désespoir. « Messieurs, dit-il, n'approchez pas ou je vous tue. » En disant ces mots, il était très beau et très fier. Mais quand il vit qu'il avait affaire à deux hommes de sang-froid, que l'un de ces hommes était un très grand seigneur et parlait au nom du roi son maître, il se calma. Puis, abaissant son épée avec une grâce pleine de force, il attendit. « Monsieur de Montcade, lui dit Monsieur de Saint-Gilles d'une voix calme, il n'est plus temps de feindre, et nous savons qui vous êtes. Je suis moi, l'ambassadeur d'Espagne. Je viens paternellement, mais aussi très sérieusement, vous parler au nom de votre père, au nom du roi, mon maître et le vôtre. Un instant d'égarement, jeune homme imprudent, vous a fait oublier ce que vous deviez au roi, à vous-même, au nom glorieux que vous portez. Vous avez renoncé au nom de vos ancêtres, et maintenant vous voulez les déshonorer par un mariage indigne de vous. Voilà pourquoi je suis venu, moi, le représentant du roi d'Espagne et l'ami de votre noble père, afin de vous ramener au devoir comme un gentilhomme, au besoin pour vous y contraindre, si vous étiez, ce qu'à Dieu ne plaise, assez endurci pour ne plus écouter la voix de l'honneur. Donc, choisissez. ou de me suivre en allié et fidèle sujet du roi, ou d'obéir à la force. Il faut absolument que vous soyez cette nuit même ou mon hôte ou mon prisonnier. » À ces paroles sans réplique, que répondre à la force, à l'autorité, au nombre, enfin? Le jeune homme, éperdu, se demandait s'il était le jouet d'un songe. Il restait là, sur son lit défait, plein de troubles et de confusion. Il hésitait, il regardait, il cherchait à se défendre. Il était tour à tour hardi, furieux, timide et suppliant. « Monsieur, disait-il enfin, écoutez-moi, je vais tout vous dire, et vous comprendrez ma peine. Oui, monsieur, vous l'avez dit, je ne m'appartiens plus. Je suis l'esclave et l'amoureux d'une aimable fille qui n'a que moi seule au monde, et sur ma foi, j'aime mieux mourir que de l'abandonner. » Ainsi il parlait, si triste et si malheureux. Cependant, ses beaux yeux se remplissaient de larmes. Sa voix sanglotait. Il s'appuyait sur son épée avec rage, et son épée, heureusement pour lui, se brisa sous l'effort. « Jeune homme, ici vous reconnaissez l'ambassadeur. Il n'y a pas de faute sans rémission, pour peu qu'on s'en repente, et Dieu soit loué, qui n'a pas voulu que votre maîtresse ait porté, même un seul jour, le titre et la couronne des marquises de Moncade. Jeune homme, un pareil mariage y pensez-vous? Un Moncade, un Mendoche, un descendant des rois d'Aragon, qui signe une promesse à quelque aventurière. Oui, Ida, mais cette promesse accomplie était votre perte à tous les deux. Heureusement que je vous tiens, et par ma toison, vous ne m'échapperez pas. J'oubliais, madame, en tout ceci, de vous dire, au surplus, vous vous en doutez, qu'il y avait dans cette chambrette un lit en serge orange dans lequel un homme seul eût été mal à l'aise. Les rideaux de ce lit s'étaient fermés à notre approche. Au premier geste de monsieur de Saint-Gilles pour s'emparer de son prisonnier, soudain les rideaux s'entr'ouvrent et nous voyons s'élancer, splendide à travers ses larmes, oh mais là, dans l'appareil de la Junie, une jeune femme d'une merveilleuse beauté. À peine elle songea à se couvrir d'un manteau de nuit, et les pieds nus, les bras nus, sa belle tête couronnée de ses cheveux noirs, sa fière poitrine haletante et palpitante d'effroi, la voilà qui se jette à nos pieds. « Non, non !» dit-elle, en joignant l'une à l'autre une main des petits appartements, une main du grand couvert, deux mains du salon de la paix. « Oh, mon Seigneur, pas de violence. Épargnez mon amant, épargnez-le, châtiez-moi, moi seul, hélas, je suis coupable. » Hélas, c'est moi qui l'ai perdu, c'est moi qui l'ai entraîné. » En même temps, elle se relevait comme une lionne blessée à mort. Elle se jetait au cou de son amant et d'un geste convulsif. « Oh, mon pauvre ange! Oh, ma chère passion, mon amour, mon enfant, tout ce que j'aime, ici-bas, il faut donc nous quitter. » Et pleurante, les mains jointes, ses beaux cheveux défaits tombant sur sa blanche épaule, elle se jetait à nos pieds. « Oh, messieurs, messieurs, pardon, pardon !» « Tenez, je ne l'aime plus, je ne veux plus le voir, je me sacrifie. Adieu, mon cadre, adieu, mon enfant, adieu, tout ce que j'aime, adieu, laisse-moi, va-t'en, va-t'en, laisse-moi, laisse-moi. » Elle repoussait, le retenait, le reprenait, l'embrassait, l'étouffait. Quel sanglot, quel gémissement. Un tigre, monsieur le lieutenant criminel, eût été touché de ce désespoir. Nous restions immobiles et muets à ses plaintes, à cette voix émue, à ce délire, à ses mots entrecoupés, à ses cris, à ses larmes, à ce geste égaré, à cette innocente beauté qui se croyait à l'abri du regard parce qu'elle relevait son chaste manteau qui retombait toujours. En même temps, elle allait à sa cassette, elle en tira un portrait, des lettres, un parchemin. Oh, mes lettres adorées! Et elle les déchirait. Oh, portrait de mon amant! Et elle le plaçait sur son cœur. Puis, d'un geste plus calme, elle déployait le parchemin et elle le lisait tout haut. « Je jure de te prendre pour ma légitime épouse, moi, le comte de Moncade. Sa femme, hélas !»« Mon cher amant, mon petit marquis, mon grand d'Espagne, il faisait de moi sa femme, sa comtesse. Hélas, hélas !»« Oh, damnée ! Oh, malheureuse ! Oh, pauvrette que je suis !» Ses belles mains se plongeaient dans sa fraîche et blanche poitrine. Sa voix se perdait dans les sanglots. Ses yeux pleins de larmes se perdaient dans ses longs cheveux. Elle pleura longtemps, repoussant son amant qui la voulait consoler. Nous étions tous fort émus. À la fin, quand elle fut calmée, elle se souvint qu'elle était à peu près nue et reculant de 6 pas. « Voici, dit-elle, le lien le plus cher qui me tenait à la vie. Adieu, messieurs, soyez contents. Tous nos liens sont brisés. » Avec un geste de reine, elle nous tendit le parchemin. Nous hésitions à l'accepter. Alors ce fut au tour du jeune homme. Il se précipita dans les bras de sa maîtresse, et les mots les plus tendres, et les promesses les plus sacrées, et les serments, et les larmes de la douleur. Un baiser, mon ange, un baiser, ma vie, encore, encore. Il lui baisait les mains, il buvait ses larmes sur son beau visage, il l'appelait des noms les plus tendres, il disait « ma femme, mes amours ». Puis, par un effort désespéré, il se précipita hors de la chambre en disant qu'il allait mourir. Déjà même, il relevait le tronçon de son épée. Elle retint sa main vengeresse, elle se blessa à cette lame brisée. « Hélas, madame, j'ai vu couler ce beau sang juvénile, j'ai vu se rougir cette jambe divine. » À la fin, elle tomba dans un fauteuil, mourante, inanimée, morte, sans pousser un seul cri. Si bien qu'il fallut entraîner le jeune homme et le jeter dans le carrosse de M. l'ambassadeur, à peine si M. de Saint-Gilles eut le temps de me dire « En vérité, nous sommes bien cruels, et cette fille est digne d'un trône. Ne la quittez pas, mon cher comte, avant qu'elle soit un peu consolée. Donnez-lui, c'est le vœu du marquis, 1000 louis pour sa dot, et si ce n'est pas assez, ajoutez 500 louis, je prends tout sur moi. Pauvres enfants, pauvres enfants. Nous avons été pourtant comme cela. » À ces mots, il me laisse avec la belle, et suivi de ses gens, il monte en son carrosse, emmenant le jeune homme avec lui. Le comte de Saint-Germain nous raconta tout ce passage en levant les yeux vers le ciel. Il parlait d'une voix émue, et la marquise, qui pleurait facilement, se mit à fondre en larmes. Madame de Mirepoix elle-même se sentait aussi touchée que si elle eût assisté au père de famille de notre ami Denis Diderot, mais elle ne voulut pas convenir de son émotion. Son rôle était d'être toujours de bonne humeur. Le roi Louis XV l'appelait sa gaieté. Madame l'appelait son arc-en-ciel. C'était vraiment une aimable femme, espiègle au besoin, prudente et cachée, et ne disant jamais que la moitié de ce qu'elle voulait dire. Enfin faite exprès pour vivre à la cour et pour tirer, pour le moins, son épingle du jeu perpétuel de toutes ses ambitions. Mais quel diable d'histoire vous nous débitez depuis une heure, et dans quel style, seigneur centenaire ? S'écria la maréchale. C'est amusant comme un opéra de Marmontel. S'il vous plaît, madame, dit le comte, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas là toute l'histoire. Et parlez donc, malheureux, s'écria madame en séchant ses larmes du revers de sa main. Ses yeux brillaient d'un feu très doux. En ce moment, elle se vit dans une glace qui était en face d'elle et sourit à ce rêve de sa beauté qui s'en allait tous les jours. Non, mesdames, reprit le comte de Saint-Germain, pour mon propre honneur, cette véridique histoire ne s'arrête pas à ses douleurs. Pendant que M. de Saint-Gilles, à force d'avis, de conseils et de tendresse, ramenait un peu de calme et d'espoir dans l'esprit du jeune amoureux, je consolais de mon mieux la timide et très inconsolable veuve. Elle fut bien souffrante et bien éplorée le reste de la nuit. Il me fallut panser son pied blessé, et elle me laissa faire, hélas, sans trop savoir ce que je faisais. Au point du jour, elle se réveilla dolente, mais assez forte pour monter en chaise de poste. Elle voulait s'éloigner au plus vite de ces lieux, témoin de son triomphe et de ses amours, de sa douleur et de sa honte. Elle me permit pourtant de l'accompagner d'abord jusqu'à Bruxelles, et bientôt de Bruxelles à Paris, où le voyage aidant, l'absence et la causerie appelant l'oubli, qui est le souverain remède à ses grandes passions, j'eus la joie inespérée et l'intime contentement de la laisser plus tranquille et même, au besoin, consolée. Oh, les femmes, les femmes ! Je revins à La Haye en faisant de grands hélas sur la fausse éternité et la trop réelle vanité des passions. À mon retour, je touchai à la frontière de France, lorsqu'il me sembla entrevoir, dans une berline armoriée, emportée à 6 chevaux, la figure intelligente du jeune comte de Montcade. J'appelai, je crie « Arrête, arrête !» La voiture ne passa que plus vite. Notre amoureux court en la poste et sur la route de Paris. Il y avait là tout un mystère que je tentais, mais en vain, de m'expliquer. Le relâcher si vite, est-ce donc là une chose prudente? Et M. de Saint-Gilles ne sait-il pas tous les dangers qui attendent son néophyte? Enfin, j'arrive à La Haye, et ma première visite est pour l'ambassadeur. Certes, après le service que je lui avais rendu, je devais m'attendre à quelques réceptions royales. On m'annonce. À mon nom, Monseigneur reste muet et silencieux. J'entre, et pas un mot d'amitié. Je salue. À peine il me rend un signe de tête. À la fin, toute son indignation se fait jour, avec des cris de possédé. « Malédiction sur nous !» disait Monseigneur. « Quelle école ! Quelle école ! Où donc est-il le vagabond ? Qu'avez-vous fait de cette malheureuse ? Volée, perdue, pillée, déshonorée ?» Il faisait des gestes à perte de vue. Il attestait la terre et le ciel. Il se tordait les mains. Il s'arrachait les cheveux. À la fin, sa colère, apaisée un instant par sa violence même, lui permit de me raconter tout ce qu'il avait fait pour monsieur le marquis de Montcade. Il l'avait entouré d'honneur et de caresses. Il l'avait habillé de pied en cap. Il l'avait présenté à tout le monde comme un père son propre fils. Il avait traité ce jeune intrigant avec tant de bonté. Il avait obéi à ses moindres caprices. Il avait confié madame l'ambassadrice à sa garde. Il avait joué tout le jeu qu'il avait voulu et à tous les jeux. Même, il s'était laissé gagner tout l'argent que cet aigre fin avait voulu gagner. Bien plus, comme il ne voulait pas que le pauvre enfant fût sevré, tout d'un coup, de ce violent amour qui faisait sa vie, il avait sollicité, lui, l'ambassadeur du roi catholique, la pitié et la consolation des belles dames, pour ce jeune homme pris sans verre. Et ces dames s'étaient montrées miséricordieuses. Que n'avait-il pas fait, juste ciel ? Enfin, au bout d'un mois, le jeune homme, repentant, corrigé, et qui mieux est, consolé, avait senti le besoin de revoir son père et sa patrie. Oui, son père et sa patrie. À ces mots des plus espagnols, l'ambassadeur avait pleuré de joie, et il avait renvoyé le fils de son ami, le marquis de Montcade, dans sa meilleure voiture. Enfin, il lui avait tant donné en nippes, en bijoux, en argent, en épées, en magnificence, qu'un vrai père, à coup sûr, ne ferait pas mieux pour monsieur son fils aîné. Mais, disait Joconde, pourquoi tant vous chagriner, monseigneur ? Vous avez rendu un fils à son père, un colonel à son régiment, un serviteur à son roi. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait à la prière d'un ami. Toutes vos dépenses vous seront remboursées si elles ne le sont déjà, et vous avez compris un ami à la vie et à la mort. » À ces mots, le marquis se cacha le visage. « Taisez-vous » s'écria-t-il, « taisez-vous. Un ami de ce petit brigand, un complice amoureux de cette aventurière, ne dirait pas mieux que vous ne dites. » Et comme à ce coup-là, j'allais me fâcher, pour tout de bon, il me passait une lettre que j'ai lue une seule fois et que je sais par cœur. J'ai lu, mon cher marquis, avec un grand étonnement, le très pathétique récit que vous me faites dans votre dernière lettre, et si je vous réponds si tard, c'est que j'étais dans une de mes terres en Portugal. Hélas, mon ami, plût au ciel que j'eusse un fils tel que celui que vous m'avez trouvé. Mais le ciel m'a refusé cette consolation, et j'ai perdu mon fils bien avant qu'il fût entré dans l'âge des folies. Vous avez donc été, j'imagine, la dupe d'un habile aventurier et de sa complice, mais il n'est pas juste que vous supportiez tant de pertes. Vous avez voulu obliger le marquis de Montcade, c'est au marquis de Montcade à tout réparer, et je vous prie instamment de m'envoyer la note des frais que ces dérangements vous ont causés. Je vous connais, vous serez encore assez malheureux de cette mésaventure à laquelle j'ai gagné, moi qui vous parle, de ne pas pouvoir mettre en doute votre bonne et sincère amitié. » Dans un post-scriptum, le marquis de Montcade suppliait M. de Saint-Gilles de ne pas donner suite à cette escroquerie. « Il ne faut pas trop la blâmer, disait-il, si véritablement ces deux jeunes gens s'aiment de tout leur cœur. » À cette lecture écrasante, il me sembla, vous allez rire, il me sembla que j'allais me trouver mal. Je fus abasourdi de l'aventure. Je me vis, tout d'un coup, mêlé aux risées de l'Europe, et laissant Monseigneur à ses réflexions désobligeantes, je me retirai tout honteux. Six jours après, je n'avais pas revu l'ambassadeur. On me remit une petite lettre d'une grosse écriture. À monsieur le comte de Saint-Germain. Tu n'es pas habile autant qu'on le croit, mon cher magicien, et cette fois ta science est grandement en défaut. Que dirait-on à Paris si l'on savait que le fameux comte de Saint-Germain a pris Manon pour une princesse et son ami Desgrieux pour un prince déguisé? La lettre était signée Manon, et plus bas, un grand D orné d'un nez, comme on n'en voit guère qu'au portrait de Polichinelle. Je portais cette lettre à monsieur de Saint-Gilles, et ma foi, il en rit beaucoup. Ma mésaventure et le mépris de ces petites gens le consolaient de sa méprise. « Ah, vous aussi vous avez donné dans le panneau. Pendant que je me ruinais en festin et en présent pour le prince charmant, vous étiez aux genoux de la princesse, et vous faisiez des folies pour l'infante. Nous sommes à deux de jeu, mon maître, et cependant, autant que je m'en souvienne, il me semble que je vous dois quelque argent. Une bagatelle, monseigneur. Votre Excellence m'avait chargé de donner 1500 louis à la belle. 1000 louis, monsieur, et pas un zeste avec. C'est à prendre ou à laisser. Va donc pour 1000 louis, monseigneur, mais je vous jure sur l'honneur que j'y perds 99 louis. J'y mets du mien. » Quand l'histoire fut achevée, il y eut un instant de grande hésitation dans l'auditoire. Nos deux dames ne savaient pas encore s'ils devaient rire ou se fâcher. « C'est affreux, » s'écria madame, « être ainsi trompée et se voir escroquer ses larmes. Cette indigne petite Manon qui lui dit, cet innocent chevalier qui se serait jamais imaginé, et moi qui avais la bonté de m'intéresser à leur sort, Comme elle parlait ainsi, Madame jouait avec la boîte du comte. La boîte s'ouvrit, et voilà toutes ces pierreries qui roulent sur le tapis royal, fleurdelysées aux gobelins. À la vue de ces trésors, Madame de Mirepoix pousse un cri, et les noyaux des cerises mangées par Madame, que la maréchale tenait encore dans sa main, vont rouler sur le tapis pêle-mêle avec les diamants. Monsieur de Saint-Germain ramassa un de ces noyaux. « Madame la maréchale, je vous donne toutes ces pierreries contre ce trésor. » Vous jugez de l'étonnement de ces dames. « C'est une folie, » disait Madame. « C'est sublime ce que vous faites là, » reprenait la maréchale. Comment eut fini ce débat, on ne sait. Mais en ce moment, Madame, qui était aux écoutes, hélas, la pauvre femme, toute sa vie s'est passée à écouter, à attendre, entendit quelqu'un venir. Au bruit de ses pas trop connus, elle pâlit, elle rougit. Elle repoussa son amie qui était auprès d'elle. Les diamants et les noyaux de cerise ramassés en toute hâte furent enfermés dans la boîte d'or. Le comte de Saint-Germain, qui était à genoux, venait de se relever avec la promptitude alerte d'un jeune homme. Il était temps. C'était Sa Majesté le roi Louis XV qui montait d'un pas pénible le petit escalier des petits appartements. Sa Majesté jeta un coup d'œil assez vif sur ces trois personnes, comme si elle eût cherché à découvrir quelque mystère. Le regard de ce monarque ennuyé offrait un singulier mélange de hardiesse et d'hésitation. Ainsi brille un éclair dans le nuage, ironie, esprit, confusion. « Marquise, dit-il en saluant la maréchale, vous voilà bien animée, et peut-on savoir sans indiscrétion le sujet de ce grand courroux qui brille en vos yeux ?»« Sire, dit madame en se levant dans l'attitude heureuse du plus charmant respect, nous dénonçons à votre majesté un insigne menteur, nommé l'abbé Prévost, qui nous a fait pleurer comme des femmes de procureurs sur les amours de mademoiselle Manon et de monsieur Desgrieux. Voici monsieur de Saint-Germain qui a connu particulièrement ces deux héros et qui n'en dit pas grand bien, que je sache. Ainsi l'abbé Prévost nous a trompés, il nous a menti, il nous a volé nos larmes. Et 5 ou 6 mois de Bastille... On sait que le roi Louis XV recherchait de préférence les plaisanteries funèbres. Cela lui plaisait de parler à tout propos de morts, de funérailles, de cadavres, de cimetières. Ces notes lugubres, jetées parmi les chansons de sa vie, produisaient un effet étrange dont il ne se rendait pas trop compte, mais qui servait d'affreux soulagement à ses ennuis. Quand donc il entendit parler de l'abbé Prévost, le roi sourit de son sourire le plus lugubre. « Hélas, marquise, j'en suis bien fâché, mais cette fois, malgré toute ma bonne volonté de vous complaire, il n'y a pas de Bastille et de cachet qui tiennent, et vous permettrez que mademoiselle Manon fasse son petit chemin sur l'âne qu'elle monte. L'abbé Prévost est mort. Et enterré, reprit la maréchale en riant aux éclats. Et écorché vif, ne vous déplaise, madame, répliqua sa majesté. Et comme il vit que ces deux femmes, peu habituées à ces frissons de la mort, tremblaient déjà sans trop savoir ce qu'il allait leur dire, il prit place sur la chaise de madame et raconta d'une voix aiguë et stridente avec les plus longs détails comment l'auteur de Manon Lescaut s'en revenait, tout pensif à son presbytère, à travers la forêt de Chantilly. Comment le pauvre homme fut pris d'une syncope et comment il fut transporté sur la table d'un cabaret. On envoya chercher le frater du village. Cet homme accourut et voyant un cadavre, il se mit en train de le dépecer. Affaire de voir de quelle mort il était mort. Oui, dame, nos petites dames. Ce monsieur coupa tort et à travers poussa son bistouri aussi loin qu'un bistouri peut aller. Et cependant l'abbé ne disait mot. Seulement, quand ce curieux impertinent voulut couper les vaisseaux du cœur, il sentit la main du cadavre qui l'arrêtait. Le mort lui disait « Corbleu, vous me faites mal !» Le roi parla longtemps sur ce ton-là, s'amusant des terreurs de madame, et lui-même aussi, pâlissant pour son propre compte à ces détails funèbres qui le poursuivaient jusque dans son sommeil. « C'est à en avoir l'eau à la bouche !» ajoutait la maréchale de Mirepoix. L'après-souper fut brillant. On soupait pour se reposer de l'étiquette du grand couvert. Il y avait ce soir-là une grosse cour. Monsieur le cardinal de Bernis, monsieur d'Argenson, monsieur le comte de Breuil, le duc d'Aumont, le duc de Richelieu, monsieur de Montmartel, monsieur et madame de Gontaut, monsieur de Marigny, le frère de madame, le chevalier de Montaigu, monsieur le duc d'Ayen, qu'on appelait bénévolement le Voltaire de Versailles, le duc de Lavallière, le chevalier Colbert, le comte de L'Aigle, le chevalier d'Hénin, chevalier de madame, oui, son domestique, un prince, de la maison de Chimay. Il y eut aussi le vieux maréchal de Luxembourg, le chevalier du Muy, M. de la Vauguyon, le docteur Quesnay, notre ami, M. de Soubise, M. de Saint-Florentin, M. Turgot, un jeune maître des requêtes de la plus belle figure et des plus grandes espérances. Les dames n'étaient pas moins choisies. Mesdames de Brancas, de Marsan, de Soubise, Madame d'Amblimont, dont chaque dame était jalouse, belle et fraîche, une aurore, et qui portait, fière comme une duchesse, un collier de perles donné par le roi, Madame d'Esparbès, une amie de Madame, Madame de Crillon, les deux princesses de Chimay, Madame d'Estrade, la duchesse de Luynes. On joua gros jeu. Le comte de Saint-Germain fit des merveilles au pharaon. Il gagnait, en riant, des sommes immenses. Le roi, qui se séparait difficilement de ses louis d'or, paraissait très mécontent de la fortune aveugle qui le laissait lui, le roi, pour passer à Saint-Germain. Sur les 10 heures entra dans le salon de la favorite M. le duc de Choiseul. Il était l'âme et l'esprit de la cour. « Sire, dit-il, j'apporte à votre majesté de quoi tenir le jeu de M. Saint-Germain, 2 places de fermiers généraux. »« J'en prends une, dit le roi, et je vous donne l'autre, duc de Choiseul. » Vous plaît-il, monsieur de Saint-Germain, dit le duc, de me jouer cette charge contre quelque chose d'ensorcelé? Le comte de Saint-Germain, tirant de son doigt une bague montée d'un noyau de cerise, ma bague contre ce talisman. Monsieur de Choiseul, regardant la bague, qu'est-ce que cela, sire? Dit le ministre à son maître. Autrefois, monsieur de Saint-Germain changeait le bois en diamant. Le voici maintenant qui prise un noyau de cerise à l'égal du régent et du sancy. Voilà certes un mystère que votre Académie des sciences aurait peine à expliquer. Et comme à ces mots, le comte de Saint-Germain remettait précieusement sa bague à son doigt. Au fait, reprit le duc de Choiseul, c'est peut-être là son talisman. Ce diable d'homme aura gagné. La conversation tomba sur ce propos, le comte de Saint-Germain de moitié avec la maréchale, attentive à son jeu, la marquise attristée et pensive, le roi ne songeant à rien, chacun se taisant, l'or circulant avec l'ennui de main en main. C'était là pourtant les journées les plus heureuses du roi Louis XV et de Madame de Pompadour. Ainsi s'achèvent les fausses confidences de Jules Janin.